Pendant toute la durée de ce Vendée Globe, Cap VG20 ouvre les portes de son club. Avec ce podcast, Cap VG20 vous embarque autour du monde tous les dimanches en compagnie de deux invités pour débriefer la semaine qui vient de se passer, pour se projeter sur celle qui vient, sans oublier les meilleurs extraits du bord, le point sur le classement. Et dans cet épisode du Club VG20, vous entendrez ça. Salut les amis. Ah ouais, c'est, je pense que c'est devenu ma marque de fabrique. C'est vraiment la leçon que j'essaie de retenir et de transmettre notamment à Ruben, c'est que quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Je suis encore dans un état second, je dirais, encore dans, j'ai encore la tête dans la course, hein, forcément. Je veux avoir le même bateau que les copains, un avion de chasse. Je pourrais peut-être vous en dire plus dans quelques jours. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 16e épisode du Club VG20, 16e et dernier épisode du club. Ça y est, le Vendée Globe touche à sa fin d'ici quelques jours, donc le projet Cap VG20 aussi, forcément. Et pour le symbole, on pourra dire que le Vendée Globe 2020 aura été bouclé en 80 jours. Eh bien, le projet Cap VG20 aura été bouclé en 80 podcasts, puisque c'est le 80e aujourd'hui, tout format confondu. Et j'ai poussé le symbole jusque dans le casting de ce dernier épisode. J'ai pas choisi n'importe quels invités, d'abord quelqu'un qui a participé au tout premier enregistrement d'un podcast Cap VG20, c'était il y a un an, quasiment jour pour jour, le 10 mars, juste avant le premier confinement. C'était à l'époque avec Samantha Davis, dont il sera question aussi dans cet épisode évidemment. Et depuis, il a bouclé son deuxième tour du monde en 90 jours, 2h, 46 minutes et 2 secondes, en 14e position sur son bateau pur Best Western. C'est Romain Attanasio. Salut Romain. Salut, bonjour à tous. Et bienvenue au club, c'est un plaisir de t'y accueillir, t'as fait partie des habitués des rendez-vous Cap VG20 et comme ça t'auras aussi participé à celui-ci. Avec toi aujourd'hui, quelqu'un qui a déjà poussé les portes du club, c'était le 15 novembre pour le tout premier épisode, à l'issue de la première semaine de course, il s'en est passé des choses depuis. On aura l'occasion de faire le bilan tout à l'heure avec toi, c'est Pierre-Yves Leroux, salut Pierre-Yves. Bonjour à tous, salut Romain. Salut Pierre-Yves. Tu connais la maison, Pierre-Yves, tu fais comme chez toi, Pierre-Yves Leroux, le monsieur voile de RMC et BFM TV, qui est aussi, pour l'anecdote, la toute première personne à qui j'ai parlé de l'idée des podcasts Cap VG20. C'était pour le coup il y a quasiment 2 ans, dans une autre vie. Romain, tu avais participé au premier enregistrement avec Samantha, tu participes au dernier avec Pierre-Yves. Comment tu vis là ce changement de partenaire? Écoute, c'est la fin, hein. Faire le début et la fin. Je suis content de vous retrouver. C'est vrai que ça paraît fou, hein. J'ai l'impression que c'était déjà une éternité, ce départ du Vendée. Plus sérieusement, on va commencer par revenir sur ton Vendée Globe, Romain, comme on l'a fait ces dernières semaines avec Alain Roura, avec Maxime Sorel et avec Benjamin Dutreux. Pour commencer, j'aimerais avoir le regard de Pierre-Yves sur le tour du monde de Romain, sur le sportif d'une part, 20 jours de mieux qu'en 2016, puis aussi sur l'esprit. Romain, ça a été peut-être le skipper le plus positif dans sa communication, dans ses vidéos. Oui, c'est vrai. Il parle des copains souvent. Il parle pas des adversaires. Moi, j'ai été marqué par une chose. C'est une interview que tu as donnée à Brut, ce média un peu nouveau, Romain. Et j'ai trouvé qu'il y avait des choses très intéressantes qui se dégageaient de cette interview, et notamment une réponse que je me posais depuis longtemps et qu'on vous pose à chacun, à chaque fois qu'il y a un Vendée Globe. Mais pourquoi vous repartez? Et j'ai compris, puisque tu as donné la réponse, c'est que tu te sentais vivant à 100% en faisant un Vendée Globe. Et en même temps, j'ai essayé de faire des calculs de mathématicien, puisque un peu plus loin, tu expliquais que c'était 90% de souffrance. Ça veut dire que 90% de la vie, finalement, c'est de la souffrance. Mais en tout cas, c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire en disant on se sent vivant à 100%. Parce que j'imagine, comme pour un ordinateur, finalement, qu'on utilise souvent à 30% de ses capacités, que là, l'humain est quasiment à 100% de ses capacités. Est-ce que c'est ça, finalement? C'est exactement ça. En fait, j'ai réfléchi longtemps, parce que c'est vrai qu'on me pose tout le temps la question, pourquoi vous faites ça? Alors, au début, je disais, parce que les montagnards veulent faire l'Everest, parce que c'est la montagne la plus haute, les marins veulent faire le Vendée Globe, parce que c'est la course la plus dure. Bon, ok. Après, on dit, parce qu'on veut retourner dans les mers du Sud. Alors oui, c'est vrai, les mers du Sud, c'est incroyable, mais quand on y est, on n'a qu'une envie, c'est d'en sortir. Donc je me suis dit, en fait, c'est quoi la vraie raison? Et puis ça m'est arrivé, c'est vrai, un peu comme une révélation pendant cette course, où je me suis dit, mais c'est juste parce que, je me sens vivant, tout est à fond, on est à 100%, comme tu dis, c'est comme quand l'ordinateur, on clique sur toutes les fenêtres, on ouvre tout, l'ordinateur, il est à fond, tu vois le disque dur qui clignote dans tous les sens, et on est comme ça pendant cette course. Et effectivement, quand on arrive, quand on a fini, ça retombe un petit peu, et je pense qu'au bout d'un moment, on se dit, faut que j'y retourne, quoi. Il faut que je retrouve cette sensation d'être au, à d'essayer de donner 100% de mes capacités. Donc voilà, c'est non, je pense que t'as compris en tout cas ce que je voulais dire. Ça veut dire que le retour à la vie, là, ce que tu as depuis quelques semaines maintenant, ça paraît fade. T'es à combien de pourcents là, Romain? Ah bah là, je suis à très très peu de pourcents parce que je suis encore dans un état second, je dirais, encore dans j'ai encore la tête dans la course, hein, forcément. Je trouve pas que la vie est fade là, parce que là c'est plutôt cool. On a quand même été, alors effectivement, on est à 100% pendant la course, et je dis c'est 90% de souffrance parce que c'est vrai que tout est très dur. Et là, quand on revient à terre, c'est assez cool parce que ça y est, on mange bien, on mange que des choses qu'on aime. D'ailleurs, je passe mon temps à manger, hein, je vous cache pas que c'est ma nouvelle passion. Et puis on dort dans un lit qui est sec, qui sent bon, on se douche tous les jours, on a les cheveux, je passe ma main dans les cheveux, c'est soyeux, toi, c'est vraiment, c'est le bonheur, hein. Excuse-moi, Pierre-Yves, hein, pardon. Oui. Je comprends ça, j'aimerais vivre ça un jour. Mais, tu vois, voilà, c'est, en fait, on prend plaisir à vivre normalement, à avoir une vie normale. Donc ça c'est super. Après effectivement peut-être que dans un deuxième temps j'aurais envie d'y retourner. Pour l'instant ça va. Hein, je suis très content de ce que j'ai. Je vais pas remonter sur un bateau tout de suite. D'ailleurs mon pur Best Western est reparti à Port-la-Forêt hier et je me suis bien défilé et j'ai bien confié à Seb Marseille et à mon équipe le soin de ramener le bateau sans moi. Bon ça m'arrivait aussi mais non voilà je profite quand même bien des petits plaisirs de la vie et puis surtout. Alors ça, c'était il y a 4 ans, je me rappelle très bien. C'était vraiment la remise des prix qui avait marqué la fin de la récréation. Quoi. À chaque fois qu'on me demandait, chaque semaine après le Vendée, on me disait ça va, t'es comment ? Je dis oui, ça va très bien, tout est normal. Et en fait, je m'étais aperçu que tout est normal, mais on est quand même un peu la tête dans les nuages. Hein. Ça a tellement été intense qu'en fait, on parle que de ça, quoi. Oui. Et vous, ça va être encore plus compliqué. C'est Ruben, au bout d'un moment, qui va vous dire « Mais arrêtez, les parents, parlez du Vendée Globe. » Ah, c'est possible. Enfin, je l'ai dit, je te cache pas qu'il nous en parle beaucoup parce qu'il a programmé de faire le Vendée en 2032. Ah, ça y est. Ça, c'est un scoop. Voilà, c'est ça. 2032, alors si je compte bien, il aura 18 ans. C'est un peu... C'est limite, quand même. Ça me paraît limite, effectivement. Mais bon, hein, je voudrais pas surtout pas le décevoir maintenant. Bon, on l'a vu hier grimper sur le foil du bateau de Savanta. Il était très à l'aise en tout cas, et déjà très à l'aise sur un Imoca. Romain, ça veut dire que là, 3 semaines après ton arrivée, c'est encore trop compliqué pour toi de tirer un bilan qui soit sportif, qui soit personnel. C'est encore trop. T'es encore trop à chaud pour l'instant. Ouais, non. Alors je commence à. Alors je le fais parce que bon, déjà ça m'était pas arrivé, donc j'allais pas partir en vacances tout seul ou me mettre devant la télé. Donc j'ai pas arrêté en fait depuis que je suis arrivé. Toi, j'ai fait. Je fais 5000 km depuis mon arrivée. Mon partenaire Volvo m'avait fourni une voiture toute neuve quand je suis arrivé, elle a déjà 5000 bornes. Donc, je suis au taquet, j'essaye de battre le fer tant qu'il est chaud, de repartir. J'aimerais bien repartir sur un nouveau projet avec un bateau un peu plus performant encore, comme j'avais fait il y a 4 ans. Donc, je fais la visite des partenaires. J'ai pas molli, donc je passe mon temps, en fait, c'est vrai, à raconter la course et à essayer de. Non, le bilan sur moi-même, je le fais pas encore. Bien sûr, j'analyse ma course. Je vois les moments où ça a été dur, où j'ai fait des bêtises, où au contraire j'ai fait quelque chose de pas trop mal. Enfin, et puis voilà, j'essaie comme ça de la revivre un petit peu, mais bon, c'est plein de sentiments confondus. Puis bon, j'ai quand même aussi un petit peu de fatigue. J'arrive pas à dormir une nuit entière. Hein, je me réveille. Alors au début toutes les 2 heures et puis maintenant une fois au milieu de la nuit quoi. Il y a 4 ans j'avais mis un mois à faire une nuit complète, donc forcément il doit, même si je le ressens pas, il doit y avoir un petit peu de fatigue, ouais, c'est sûr. Et tu vois, ça c'est curieux, je discutais avec Manuel Cousin hier, notamment en l'occurrence avec la femme de Manuel Cousin, qui me disait que Manu avait retrouvé du sommeil, il est arrivé il y a une semaine et il dort déjà normalement, mais ça c'est évidemment propre à chacun. Ouais, Isa me disait la même chose hier. Isa Joshke, elle était assez, on parlait de ça hier sur le ponton, et elle me dit, moi, ma première nuit, nickel, 8 heures, donc je dis, super. Bon, maintenant que Samantha est rentrée, tu vas peut-être retrouver aussi un peu plus de repères, une vie un peu plus normale. Si je te demande instinctivement, comme ça, sans réfléchir, sans justement cette prise de recul, d'isoler ton meilleur souvenir du Tour du Monde et ton pire souvenir du Tour du Monde, tu penses à quoi, comme ça, instinctivement? Le pire souvenir, je vois très bien lequel c'est quand je monte dans le mât en arrivant dans le poteau noir parce que j'ai ma grand voile bloquée en tête de mât et c'était vraiment horrible parce qu'il y avait 2 mètres de creux avec le système, l'olivette qu'on a là, qui est un super système qui a été fait par un guide. On l'a essayé plusieurs fois, notamment au trophée Mermontin, une épreuve où on doit monter le long d'un pylône de télécabine. Oh, c'est pas très dur, on est en chaussures de ski, mais bon, ça va. Après, j'avais essayé au port sur mon bateau. Bon, à 30 mètres, on a un peu le vertige, hein, mais ça va. Mais alors, monter en mer, c'est plus du tout la même limonade. Là, on met 25 minutes pour monter. Quand on arrive en haut, vous savez que je sais pas si vous faites de l'escalade, on a les avant-bras tétanisés, là. Voilà, on est comme ça, on n'arrive plus à sortir un outil, on a des fourmis dans les doigts, on s'est cogné de partout. Enfin, non, non, c'était vraiment l'horreur, quoi. J'oublierai jamais ce moment-là. Et puis voilà, il fallait que je monte pour couper ma grand voile qui était bloquée en tête. Le chariot était bloqué, donc j'ai coupé les lashings, elle est descendue jusqu'en bas. Et après, à partir de ce moment-là, j'ai fait quand même tout le tour du monde avec un riz dans la grand voile, quoi. Donc ça, c'était un moment pas très simple. Et le meilleur? Et le meilleur, laisse-moi réfléchir, il y en a eu quelques-uns. Comme ça, à froid, tout de suite, je pense au Cap Horn, forcément, parce que cette arrivée au Cap Horn, elle est incroyable. Déjà, c'est la première terre qu'on voit depuis le départ. C'est magnifique. Là, il c'était le lever du jour. Et puis surtout, un peu pas la délivrance, mais c'est vrai qu'on, c'est un, finalement, c'est qu'un caillou. On nous mettrait là, comme ça, on se dirait, bon, ouais, ça ressemble à la pointe du Raz. Mais en fait, le fait d'arriver là, après avoir fait les deux tiers du tour du monde, c'est comme si, voilà, c'est comme si le rocher nous disait, bon, bah, c'est bon, maintenant, t'as franchi les mers du Sud. Tu peux rentrer à la maison, quoi. Voilà, c'est par là. Tu tournes à gauche et puis vas-y. Là, c'est un peu ça. Donc c'est un moment, ouais, vraiment. C'est pas l'arrivée, mais c'est une première victoire déjà. T'as parlé rapidement de ton bateau tout à l'heure qui a rentré en Bretagne depuis quelques heures maintenant. Est-ce que techniquement, maintenant, t'es satisfait des performances de ton bateau? Est-ce que Sébastien Marsay a bien travaillé? Il était avec nous la semaine dernière. Ouais, carrément. Bah, c'était un plaisir de préparer cette course avec lui et de faire le suivi parce que c'est lui que j'avais à terre. C'était mon relais à terre, en fait. Non, non, c'était le bateau était très bien. C'est un bateau de 2008, hein, donc il est pas optimisé comme certains bateaux à dérive qui étaient devant moi. Voilà, il a pas les ballasts excentrés, il a pas les dérives sur les côtés. Donc c'est un bateau simple mais robuste. J'ai eu quelques problèmes avec, notamment des problèmes de mât. Parce que le mât était cassé en plus en début d'année, donc dans la réparation, bah, il y a peut-être des petites choses qui ont un peu mal été remises dans le mât, notamment les commandes de hook de mât, de hook de voilà de la grand voile. Donc j'ai eu pas mal de problèmes avec ça jusqu'à ce que bah, que le chariot il casse en tête de mât et il est toujours bloqué là-haut. Il va falloir que je dématte le bateau à Port-la-Forêt pour voir pourquoi le chariot est bloqué là-haut et pourquoi il voulait plus descendre. Donc ça a été assez problématique, mais sinon, le bateau s'est bien comporté. Voilà, j'avais safran qui bougeait un peu, donc ça c'était un peu inquiétant parce que j'avais un petit peu de jeu dans les safrans. Ça faisait un bruit pas possible. Mais c'était, c'est ouais, le mes plus gros problèmes, c'était ça, c'était le step. C'était assez frustrant d'avoir le riz dans la grand voile. Après, j'ai cassé un grand Jenac, le grand Jenacker dans le Grand Sud. Alors là, c'était pour le coup, c'était vraiment une bêtise, quoi. J'étais avec Clarisse en plus, et elle s'échappait un petit peu parce qu'elle va assez vite et ça m'énervait. Et j'ai mon petit Jenac qui avait des fissures. J'ai dû avoir un problème, un petit problème de tissu. Alors, c'est pareil, il va falloir que j'aille voir le voilier. J'ai un petit, je, mon petit Jenac fissure par endroit, le tissu se déchire. Donc, je sais pas ce qui m'a pris à 3 heures du match. Je me suis dit, allez, j'envoie le grand Jenac. 23 nœuds, 25 nœuds de vent, tu vois, donc, quand même limite. Mais trop de confiance dans le Grand Sud. Voilà, on se sent bien. Je fais la manœuvre. J'envoie la voile, je déroule, je borde et tout est nickel. Je retourne à l'intérieur du bateau. Là, je me dis, putain, bravo mec, good job quoi, la classe, toi. Nickel quoi, super manœuvre. Et là j'entends pam, et là je le ressors, et là c'est mon safran qui remonte. Et là le bateau part à l'abatté, et le grand Jenac explose en morceaux dans les barres de flèche. Et là plus de grand Jenac quoi. Donc ça c'était un très mauvais moment que j'oublierai pas non plus. Les fameux 90% de souffrance, et pourtant dans 100% des vidéos, t'as toujours regardé le sourire et la joie de vivre. T'as aussi eu une petite mésaventure physique, une grosse mésaventure physique même, une côte cassée vraisemblablement qui t'a fait souffrir sur la fin de course. Comment ça va désormais, 3 semaines après? Bah, ça va mieux, oui, c'était parce que la remontée de l'Atlantique a été délirante pour le coup. Le météo a été horrible, j'ai tout eu. Pétole au Malouine, et ensuite cette dépression avec ce vent de face auprès, hein, 30 nœuds, 40 nœuds, 45 nœuds auprès, puis 50 nœuds dans le front. Je pensais pas qu'il y aurait autant. Puis ça traînait, ça durait 24 heures comme ça, et à la fin, le vent rentrait. Et puis je voyais le front qui sur les cartes qui arrivait, et je savais que derrière le front, le vent allait mollir et surtout basculer au portant. Et d'un coup, au moment du front, ça a été hyper violent. Le bateau s'est couché, je suis sorti, et c'est vrai que j'ai glissé jusque sous le vent, et j'ai pris un morceau du winch dans la côte, quoi. Donc là, je tombais dans les pommes. Et j'ai repris connaissance, je sais pas en combien de temps. Bêtement, j'ai voulu respirer à fond, comme quand on est un peu là, quand on est un peu bloqué, forcément, on a envie de le faire. Bam, je retombe dans les pommes. Une deuxième fois, une troisième fois. Donc là, je commence à m'inquiéter. Je me dis, c'est pas possible. Je me fais super mal, quoi. Et à ce moment-là, le front passe et je me retrouve heureusement le bateau à plat vent arrière. J'ai appelé le doc et j'avais vraiment mal. Et là, pendant 2 jours, j'avais mal. Et puis au bout de 2 jours, plus rien. Là, je me dis, putain, c'est pas possible. Je n'osais même plus appeler le doc. J'ai fait ma diva, quoi. J'ai rien. Et donc pendant 2 jours, plus rien. Et là, le troisième jour, c'est revenu, mais encore pire, quoi. Et après, j'ai traîné ça tout le long. Donc, c'était la colonne qui était un peu difficile, quoi. Voilà. Donc, je crois que je fais une vidéo où j'ai du mal à toucher. À un moment, alors des fois, je pouvais pas tourner en marche avant. Des fois, c'était en marche arrière. Des fois, c'était d'une main. Apparemment, quand l'hématome se déplace, la douleur change. Une fois revenu à terre, t'as passé des radios. Enfin, c'est quoi le protocole une fois qu'on rentre ? Bah, pas encore. J'aurais dû le faire la semaine dernière, mais je suis pas allé. Voilà, j'ai un peu traîné parce que j'avais pas envie d'aller faire tout le tintouin, là, les prises de sang, machin et tout avec le doc. Donc j'ai simulé une arrivée de Sam imminente. Donc j'y ai échappé, mais je crois que je vais être obligé d'y aller la semaine prochaine. Ah, puis non, puis on a eu au centre d'entraînement, il y a eu un cas de Covid. Donc tout a été annulé aussi. Ouais, ça c'était pas mal, ça c'était une bonne excuse. Pierre-Yves, t'as des questions peut-être ? Ouais, j'aurais plein de questions. Déjà, sur l'Olivette et la possibilité de monter au mât, je crois qu'on est à plus d'une trentaine de montées pendant ce Vendée Globe. Est-ce que tu expliques ça justement avec ce nouvel outil qui permet de monter un peu plus facilement ou par des problèmes récurrents autour du mât qui expliquent toutes ces montées qui sont un exercice que vous redoutez tous ? Peut-être un peu les deux. C'est vrai que l'Olivette, on l'avait déjà il y a 4 ans. Oui, ça permet de monter dans le mât. Donc peut-être que quand il y a un aérien qui marche plus ou qu'il y a une pale du aérien qui s'est cassée, peut-être qu'avant on se disait bon bah tant pis, voilà, je ferai 100 ou j'utiliserai le deuxième. Alors qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un moment de calme, peut-être on peut y monter plus facilement. Ça, il y a peut-être de ça. C'est vrai que c'est étonnant qu'il y ait autant de montées. Bon, je sais pas si c'est un nouveau système. J'ai posé la question à Cali hier. Il m'a dit qu'il avait eu des problèmes, mais sur les mêmes que moi. Moi, j'ai pas eu de problème avec ces hooks-là, en tout cas. Donc, bon, je sais pas trop. C'est vrai que ça fait beaucoup de montées. Puis à chaque fois, c'est faut prévenir la direction de course. Enfin, c'est une opération. Hein. C'est bien. Vous faites vos petits débriefs entre skippers sur le ponton une fois à terre. Ouais. Alors là, c'était à la soirée hier soir. Mais on débriefe bien autour d'une bière en fait avec les gars. Enfin, c'est des soirées. Attention, hein, des soirées autorisées. Hein, avec on est cinq et. Et puis ça finit à 19h. 18h, pardon. Ouais. Alors, Romain, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est cette chanson ? J'en sais rien. Peut-être tu me poses une colle. T'as pas reconnu la chanson que t'as entendue forcément hier ? Ah, c'est la chanson d'arrivée de Sam. Ah ouais, mais c'est moi sorti du Michel Sardou, du Cabrel. Ah mais justement, je voulais qu'on parle de musique. C'est Believer, le morceau de Imagine Dragons qui symbolise la croyance dont a dû faire preuve Sam pour aller au bout de son tour du monde. Justement, il y a un an, tu m'avais dit que Samantha écoutait, je cite, de la soupe anglaise. c'était pas si mal ça pour son arrivée quand même. En plus, c'est américain. Ah d'accord, oui. Non, elle a eu une époque Robbie Williams, voilà. C'est plutôt de ça que je voulais parler. Et toi, t'es arrivé pour le coup sur de la musique anglaise puisque t'avais choisi Queen pour ton arrivée. Effectivement, on m'a demandé pourquoi j'avais pas mis la musique française, mais je voulais une musique un peu péchue quand même parce que voilà, il faut que ce soit un peu dansant, qu'on s'amuse un peu. Donc c'est vrai que ça me paraissait plus festif. Que les lacs du Connemara, tu vois. c'est effectivement une question que j'ai jamais posée à un skipper. Comment vous choisissiez votre musique ? Vous essayez d'imaginer ce que ça peut rendre en termes d'ambiance à l'arrivée au ponton, c'est ça ? Ouais, carrément. Figure-toi qu'on y pense souvent. Enfin, on y pense pas mal de temps pendant la course. Il y a deux trucs auxquels on pense pendant la course. C'est la musique qu'on va choisir à l'arrivée et qu'est-ce qu'on va manger. Parce qu'on reçoit une demande de l'orga qui nous demande ce qu'on veut manger le jour de l'arrivée. Donc, ces deux trucs-là, c'est hyper important et on y pense vachement. Et la musique... Moi, j'avais passé il y a 4 ans du Bonnie Tyler parce que c'est ce qui passait pendant que je passais le Cap Horn et j'avais trouvé ça marrant. Mais cette année, j'avais voilà pas mal réfléchi. Donc, je suis passé par plein de choix différents. Mon dernier choix, je vous cache pas, je voulais mettre du Johnny. J'avais décidé de mettre l'envie de Johnny, mais mon assistante m'a appelé en disant ah bah non, Johnny c'est Jean Le Cam. Je dis, ah, bon bah tant pis alors, donc ce sera pas Johnny. Donc Queen, finalement. Bon, alors concernant l'arrivée de Samantha Davies et d'Initiative Cœur ce vendredi après-midi, on en parlait avant l'enregistrement avec Pierre-Yves. Je racontais à Pierre-Yves quelle claque on a prise vendredi après-midi. C'était magnifique à tout point de vue cette arrivée. Grand soleil, mer parfaite. Déjà rien que ça, c'est pas très courant sur le dernier mois. Le côté hors course n'a rien changé du tout au cérémonial habituel. Il y avait même une dimension un peu supplémentaire avec ces deux enfants, Junior et Marie-Désirée, qui étaient sur le bateau et qui font partie des 102 enfants malades du cœur qui ont été sauvés grâce au projet de Sam. Et puis, surtout, le monde dans le chenal pour accueillir ce bateau Initiative Cœur, c'était complètement fou. C'était une arrivée magnifique, j'ai envie de dire hors du temps, malgré un énième arrêté préfectoral. Je pense que inconsciemment, mon cerveau aura envie de ranger cette arrivée dans les souvenirs de 2017 et pas dans ceux de 2021. Romain, toi aussi, t'as pris du plaisir sur cette arrivée que t'as vécue de l'intérieur, forcément un peu différemment de celle que t'as vécue il y a 3 semaines, mais c'était assez impressionnant, le monde dans le chenal. Je crois que le préfet a démissionné, hein, depuis hier. Non, mais alors, ouais, c'est désolé, hein, je vais me lâcher, c'est pas politiquement correct, et je dois jamais parler de ça, mais je suis un sportif et je parle que de bateau, mais c'est vrai que quel plaisir de voir tous ces gens qui étaient là. Enfin, c'était presque une arrivée de Vendée normale. Tous les sablés étaient heureux d'être là. Enfin, c'était un moment incroyable. En plus, il faisait beau. C'est effectivement ces deux enfants qui sont allés à l'avant, là. Il y en a un, je crois que le petit junior, là, il s'est fait opérer il y a 3 semaines, quoi. Donc, c'était fabuleux. Puis oui, le Vendée, c'est une course, mais c'est aussi et surtout presque une aventure, quoi. Et finir hors course comme elle l'a fait, comme a fait Isa, comme avait fait Isabelle Autissier il y a 20 ans. Pour moi, c'est aussi ça le Vendée. Je suis content qu'il y ait cette tradition qui revient, qui s'était peut-être un petit peu perdue et qui va peut-être revenir à la prochaine édition. Peut-être que des skippers se diront, bah oui, c'est pas parce que je suis pas classé que je finis pas. Donc non, c'était top, c'était un message incroyable en plus de dire bah je finis quand même. Et puis ouais, quelle fête, quoi. On a tous été très frustrés du départ déjà, parce qu'on a tous dit bon bah le départ c'était pas si mal en fait entre nous, c'était nul, quoi. Enfin pour avoir vécu le départ il y a 4 ans et il y a 8 ans quand Sam l'avait fait, et il y a 14 ans maintenant avec Roxy, c'était dingue, quoi. Donc là j'étais tout effectivement un peu frustré. Moi, je suis rentré quand je suis arrivé, il faisait jour, et puis après j'ai attendu 3 heures à la bouée, la marée, pour pouvoir rentrer dans le chenal. Et je suis rentré de nuit. Il y avait quand même pas mal de monde, mais avec la nuit et tout, on voyait pas que c'était pas une arrivée classique. Et alors là, hier, c'était l'apothéose, quoi. Donc hier, c'était vraiment le délire. Et honnêtement, voilà, je sais que c'est peut-être pas très Covid, comme on dit, mais ça nous a vraiment, à tous, je pense, fait du bien. Et au moment où on enregistre, Alexia Barrier est prévue, l'arrivée d'Alexia Barrier est prévenue dans quelques heures, et le préfet a pris un 8e arrêté préfectoral pour un nouveau huis clos demain après-midi. Pierre-Yves, ce qu'a réalisé Sam hors course est au moins aussi valeureux que ce qu'ils ont tous réalisé en course. Sam disait même que c'était probablement plus dur. Faut rappeler quand même qu'elle est repartie de Cape Town il y a 2 mois et demi, hein, ça fait 2 mois et demi. Qu'elle continuait son tour du monde hors course. Bah, souvent, quand il y a un marathon, on s'intéresse au vainqueur, mais on oublie que celui qui arrive le dernier, en fait, il a fait un effort qui est encore plus dingue. Et là, c'est un peu ça, parce que c'est vrai que être éloigné encore plus longtemps des siens, être sur les mers pendant autant de temps, c'est forcément beaucoup plus difficile. Moi, je retiens une chose aussi de cette course, c'est le message qu'a envoyé Jérémy Bayou. Quand il se retrouve finalement avec des concurrents qui n'auraient pas dû être ses adversaires, et qu'il explique qu'en discutant avec eux, il comprend aussi pourquoi ils sont là, tout en sachant qu'ils peuvent pas gagner le Vendée Globe. Et c'est intéressant aussi de comprendre que dans cette course, il y a des concurrents au départ qui partent pas pour forcément gagner. Et puis, il y a aussi, comme Sam, des concurrents qui partent avec potentiellement la possibilité de gagner, mais qui tiennent à finir surtout. Et je trouve que ça fait partie des messages qui étaient importants. Et comme tu disais, Romain, ça relance peut-être une tradition de finir ce tour du monde, même si il y a obligatoirement une pause à un moment. Je trouve que c'est bien que ces marins puissent arriver au sable, puissent avoir le plaisir du chenal et les applaudissements du public et les bravos, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable. incroyable que la plupart des terriens. Et ça aussi, tu le dis, Romain, quand je pense à tous mes copains navigateurs et marins qui n'auront jamais la chance de faire un Vendée Globe, j'ai un privilège. Et c'est vrai que vous êtes peu nombreux à pouvoir faire cette course et ce tour du monde. Donc, c'est bien de pouvoir le finir. C'est encore un peu chaud pour Samantha, mais Romain, à ton avis, comment ça va se classer ce genre de performance? Moi, j'ai eu l'impression, quand Sam en parlait hier en conférence de presse, et aussi parce qu'en parallèle de son objectif sportif, elle avait vraiment, dès le début, un deuxième objectif humanitaire, mais j'ai eu l'impression qu'elle était probablement aussi satisfaite de ce qu'elle venait de faire là, peut-être que, par exemple, de sa très belle place il y a 12 ans. Enfin, est-ce que c'est difficile de les mettre sur le même rapport, mais est-ce que tu as l'impression aussi qu'elle en retiendra une satisfaction presque équivalente? Certainement, en tout cas, déjà, il fallait absolument qu'elle remonte sur le cheval, quoi, hein, parce que quand elle a eu l'accident, elle était en état de choc. Moi, quand je l'ai eu au téléphone, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est je rentre à Cape Town et j'arrête la voile, quoi. Donc après, quand elle m'a dit je vais essayer de peut-être repartir, moi, je me suis engouffré dans la brèche. Mais c'est de toute façon quelque chose dont on avait déjà parlé avant et dont elle avait parlé avec son équipe, et il s'était dit qu'il ferait tout pour repartir même hors course. Et pourquoi? Parce qu'elle avait avant tout cet objectif de sauver des enfants. Pour elle, c'est pas juste mécénat chirurgie cardiaque, c'est pas juste pour récupérer un gros chèque et avoir un super bateau. Elle est vraiment à fond dans ce truc-là. Moi aussi d'ailleurs, parce que c'est pas mon sponsor et c'est pas ma cause, mais je peux vous dire que hier, quand une des filles de mécénat m'appelle et me tend pour le petit junior là, pour le faire monter sur le bateau en disant tiens, aide-moi à le faire grimper à bord, on est tous ça nous fait tous quelque chose, quoi. Donc cette cause est incroyable, et je pense que c'est essentiellement pour ça qu'elle est repartie, hein. Elle s'est dit voilà, moi je peux pas arrêter ce projet, il y a plein de gens qui suivent. Donc c'était son moteur. Donc et après, elle a eu une météo mais horrible, franchement, c'était vraiment, elle a eu tout eu, quoi. Je pense que dans le sud, elle pouvait pas foiler, enfin c'est pour ça qu'elle a mis un temps fou. En plus les problèmes sur le bateau, donc les enfants à l'arrivée, les 102 enfants sauvés et avoir terminé la course et ramené son bateau Initiative Cœur à bon port, malgré l'arrêt, je pense que c'est pour elle, ça reste peut-être, je sais pas si c'est plus fort que les précédents Vendées, mais ça doit être, à mon avis, équivalent. Et apparemment, il y a du boulot sur son bateau, c'est ce qu'elle a dit à l'arrivée, mais tu le disais, c'est un projet à part Initiative Cœur, projet qui était cher à Sam depuis le début, à toi aussi d'ailleurs, à ton arrivée, il y avait des représentants d'Initiative Cœur sur l'eau, ça c'est pas non plus complètement banal, je crois savoir qu'il y a la volonté d'Initiative Cœur de continuer vraisemblablement. Sam, elle disait au ponton qu'elle devait y réfléchir à la suite pour le moment. Comment tu la sens, toi, est-ce que tu la sens prête à repartir? On peut pas parler pour elle évidemment, mais forcément tu dois savoir ce qu'elle en pense. Puis elle a peut-être aussi d'autres propositions à côté. Non, je pense qu'elle a effectivement, elle a envie de se poser, d'y réfléchir, mais bien sûr qu'elle repartira. Là. Bon, il y a quelques jours, elle me disait, elle ne sait pas, maintenant elle me dit, oui, il y a la Jacques Vabre et la route du Rhum à venir. Bon, bien sûr qu'elle va repartir, je pense qu'elle a, elle a une super équipe, elle a un super bateau. La cause, surtout, Initiative, c'est un truc qui lui, enfin, Initiative Cœur, mais c'est la chirurgie cardiaque, c'est un truc qui lui plaît vachement. Donc, je ne la vois pas. Je peux pas parler pour elle, mais je la vois pas lâcher le truc. Non, c'est clair. À mon avis, dans 4 ans, elle sera là. Et est-ce qu'on peut vous imaginer en 2032 tous les trois sur la ligne de départ? C'est ça. Je crois. Alors ça, pour le coup, je crois pas. J'ai beaucoup d'admiration pour Jean Le Cam. Je demande comment il trouve la ressource. En plus, quand je suis monté dans le mât, je me suis dit bon, Jean Le Cam, il navigue bien, il va vite et tout. Mais avant qu'il monte dans le mât, comme je viens de le faire. Et puis en fait, quelques semaines plus tard, je vois une vidéo où il est en tête de mât. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il ment sur son âge, je pense. En fait, c'est pas vrai. Ouais, c'est sûr. Ouais, oui. Ah, oui. Bien sûr. Il a 45 ans, en fait. Il a mon âge. Bon, alors, l'autre arrivé hors course, on l'a dit, de la semaine, c'était Isabelle Joschke sur MACSF. Pierre-Yves, elle aussi, elle a bouclé son tour du monde. Elle s'était arrêtée au Brésil. Ça fait un peu moins longtemps, forcément, qu'elle est hors course, mais elle a aussi surmonté ses galères. Ça a été très dur, visiblement, de mettre ses ambitions sportives, qui étaient, elles aussi, élevées de côté. Mais encore une fois, grosse force de caractère pour surmonter tout ça. Ah oui, elle aussi, avant le départ, c'est vrai qu'elle elle rêvait surtout de couper la ligne d'arrivée, c'est ce qu'elle nous disait. Donc, de pouvoir le finir, même hors course, c'est important. Mais c'est vrai qu'elle a eu un tour du monde compliqué, toute sa descente de l'Atlantique. Elle était pas forcément très, très satisfaite. Elle a pris un peu plus de plaisir dans les mers du Sud et puis ça s'arrête ensuite. Moi, j'ai bien aimé son parcours, j'ai bien aimé son discours. Je trouve qu'on a découvert aussi pas mal de skippers qu'on connaissait un petit peu moins. Et Isabelle, ça fait partie des belles découvertes, même si on la connaissait avant, mais là ça permet toujours le Vendée Globe d'avoir plus de médiatisation et j'espère qu'on la retrouvera au départ dans 4 ans ou peut-être après. Je pense qu'elle mérite de pouvoir faire un tour du monde complet avec une arrivée dans le chenal avec plein de monde aussi, mais c'est vrai que c'est tellement compliqué, il y a tellement d'aléas, et ce qui est rassurant aussi, c'est de voir dans les chiffres, dans les pourcentages, on en parlait Alexis, de voir qu'il y a 75% des bateaux aujourd'hui qui finissent en Vendée Globe. Ça c'est aussi intéressant, ça va peut-être donner encore plus d'envie à des skippers de partir. On verra, plus le fait que avec des bateaux qui sont pas les plus récents, on peut gagner un Vendée Globe, ça va nous donner 50 skippers au départ la prochaine fois. On tirera le bilan du Vendée Globe dans quelques instants, mais donc tu parlais des 75% de réussite, 100% de réussite même, on peut le dire, pour les femmes de ce Vendée Globe, puisque après Clarisse Kremer, Piper et Miranda Méron en course, on l'a dit, Isabelle Joschke et Samantha Devise hors course, en attendant donc Alexia Barrier ce dimanche, donc 6 femmes pardon, de ce Vendée Globe qui auront bouclé leur tour du monde en tout cas. D'ailleurs sur les pontons hier, il y avait une petite discussion entre vous, Romain, tu étais avec Sam, Isabelle, il y avait Miranda et Manu Cousin, donc il y avait 5 skippers du Vendée Globe dont 3 femmes, et Manu en souriait notamment en disant qu'il allait falloir maintenant recruter des hommes dans la course au large parce qu'ils étaient devenus minoritaires hier. Je le disais, Alexia Barrier, elle n'est pas encore arrivée au moment où on enregistre, mais elle le sera normalement au moment où vous nous écoutez. Romain, on parlait de tes douleurs aux côtes en fin de course tout à l'heure. Là, Alexia, elle a très très mal au dos depuis deux semaines maintenant. Compliqué évidemment de faire un diagnostic à distance, un diagnostic précis, mais on suppose qu'il y a une fracture. Elle ira probablement passer des examens dès son arrivée. Elle explique qu'elle doit quasiment ramper sur son bateau. Je crois que d'ailleurs que c'est le docteur de la course, Jean-Yves Chauve, qui disait qu'il n'y avait que les femmes qui pouvaient avoir cette force de caractère-là. Bon, Romain, t'as quand même passé quelques temps avec une côte cassée, Jean Lecam également. Mais c'est un peu à l'image de son parcours, là, Romain, de son projet. À Alexia, rien n'a été simple, mais elle y est arrivée. Oui, carrément. J'ai entendu ça et je ne savais pas trop ce qu'elle avait. Donc, je suis allé un peu questionner la direction de course tout à l'heure pour savoir si c'était grave. Et oui, ils me disent, alors grave, je ne sais pas, mais en tout cas, très. Oui, c'est pas rien, quoi. Elle est vraiment blessée, donc j'espère que ça va aller. Mais on trouve, c'est ça qui est incroyable dans le Vendée aussi, c'est qu'on trouve des ressources incroyables, insoupçonnées, quoi. Moi, à chaque fois qu'on a une galère sur le bateau, on se dit, bon, ça y est, là, c'est mort, jamais j'y arrive, quoi. Et puis, en fait, on trouve toujours une solution. Et ça, c'est vraiment la leçon que j'essaie de retenir et de transmettre, notamment à Ruben, c'est que quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Et il faut pas paniquer et essayer de la trouver. Et ce côté justement là où on se dépasse, on se surpasse, tu l'avais sûrement déjà expérimenté il y a 4 ans, est-ce que tu dis que t'en tires des leçons, ça veut dire que tu agis aussi comme ça à terre ensuite? J'essaie en tout cas de toujours repenser à ces moments là, dans les moments où ça va un peu moins bien, où c'est un peu dur, je me dis attends, rappelle-toi, il y a quelques temps t'étais au pied de ton mât et il fallait que tu montes là-haut pour décrocher la grand voile alors que tu pensais que la course était terminée, voilà, donc c'est ça me sert dans la vie de tous les jours. J'essaie aussi de transmettre ça dans les entreprises. Alors, sans donner de leçons aux gens, mais j'essaye, moi, de leur dire ce que je fais. Et puis, peut-être que ça leur servira. En tout cas, moi, ça me sert effectivement, oui, dans ma vie de tous les jours. Ouais. C'est vrai qu'on a eu 3 exemples incroyables à ce niveau-là, parce que Charlie Dalin avait quasiment décidé d'arrêter, d'abandonner. Louis Burton, pareil, quand il est sur son île, là, tout proche de son île. Et puis, ce que vit Yannick Bestaven, incroyable d'être dépassé alors qu'il a 400 km d'avance sur tout le monde. C'est incroyable. Là aussi, on parlait de résilience, un mot qui est très à la mode actuellement, mais c'est cette capacité à se surpasser, et derrière que Yannick réussisse à gagner le Vendée alors que tout le monde a quasiment fait une croix dans les pronostics sur lui, c'est assez fou, quoi. J'ai un copain qui est presque sorti major d'HEC, c'est un gars qui a un tableau Excel dans la tête, quoi, et il comprend pas. Il me dit, mais je comprends pas ton sport. Je dis, ah bon? Il me dit, mais non. Il dit, tu peux tout faire bien et te faire ratatiner parce que tu prends une algue ou parce que tu veux dire un truc qui est pas de ta faute, quoi, tu vois. Et il dit, je comprends pas votre délire, les gars. C'est vraiment, ça le dépasse totalement, quoi. Mais bon, c'est ça aussi qui fait la magie de ce sport. Il faut avoir une part de. Faut pas être 100% rationnel. Faut avoir une petite part de passion dans tout ça, forcément. Après Alexia Barrier, celui qui bouclera la boucle en dernier, ce sera Harry Ousella, attendu samedi prochain. Il a posté une vidéo où il explique que son routage, là, ça fait 3 jours consécutifs qu'il lui dit qu'il lui reste 7 jours de mer. Mais a priori, il devrait arriver samedi prochain. Il sera le 25e classé de ce Vendée Globe 2020-2021. Alors justement, ça va être l'heure du bilan de cette édition. Donc 25 classés plus 2 hors-course, ça fait 27 sur 33 participants. Tu le disais tout à l'heure, Pierre-Yves, c'est un premier renseignement fort, un taux de réussite historique pour un Vendée Globe. On a eu aussi un scénario de fou, à la fois en raison de la météo et à la fois en raison de ces fameuses compensations. Au final, les records de temps n'ont pas explosé du tout. En revanche, on a eu, grâce à ça, un finish très serré. Moins de 20 heures d'écart entre le premier et le huitième au final, c'était complètement fou. Le sprint final du 27 janvier, la victoire de quelqu'un qu'on n'entendait pas forcément aussi haut, mais qui est un super vainqueur, Yannick Bestaven. Cette nuit d'angoisse aussi du 30 novembre au 1er décembre, dont on se souviendra tous également. Un contexte sanitaire, on en a parlé, contraignant au départ comme aux arrivées. Bref, tout est réuni là. C'est un truc de journaliste, je me tourne vers toi, Pierre-Yves, mais là, tout est réuni pour que cette édition reste complètement inédite dans l'histoire du Vendée. Et puis, qu'est-ce que t'en retiendras, toi, en tant que suiveur assidu de la course? Quel bilan t'en tires? Ah, c'est vrai que ça a été un Vendée Globe passionnant. Il y a plein de choses intéressantes. Tu les as un peu résumées. La question de la météo m'intrigue parce que ça a été quand même assez étonnant. Effectivement, les nouveaux bateaux qui ne s'imposent pas forcément. Un vainqueur comme Yannick qu'on n'attendait pas. Il y a plein de choses intéressantes. Moi, le point vraiment que je retiendrai, parce qu'il nous a... Il nous a fait vivre une arrivée incroyable, c'est ce suspense sur les dernières heures où, là, si je vous parle à titre personnel, vous êtes obligé de préparer 3 portraits de vainqueurs, et encore, vous n'êtes même pas sûr d'avoir suffisamment bossé, d'avoir les contacts dans toutes les équipes. C'est à quelques heures de l'arrivée d'un Tour du Monde, c'était complètement fou et tellement passionnant que je pense que, voilà, tout le monde s'est intéressé à cette course, à l'image, on en avait parlé au tout début de la course, lors du premier podcast, de tous ces gens qui ont participé à Virtual Regatta, même si certains ne suivaient pas en parallèle la course, mais je pense que la voile a donné une image, une nouvelle fois, très positive, et ça va aussi là être un élément, je pense, pour que dans 4 ans, ça soit une réussite. Et là, j'avoue, je me suis complètement planté, parce qu'il y a 4 ans, avec Louis Burton, dans une discussion, je lui avais dit, je pense que dans 4 ans, ça sera compliqué pour ceux qui veulent faire le Vendée Globe, parce que pendant ce temps-là, il y aura sur des multicoques, des skippers qui seront tout seuls à faire le tour du monde en 40 jours, et on aura du mal à s'émerveiller pour le Vendée Globe. Je me suis complètement planté. Et puis, oui, sur le contexte, moi, je ne vous cache pas que je suis très content, parce qu'il y a eu notamment au début du premier confinement, quelques... personne qui voulait que le Vendée Globe qui disait voilà qu'il faudrait peut-être pas que le Vendée Globe ait lieu, que il y a plein de choses, et on a été nombreux à se battre pour qu'il puisse prendre le départ malgré qu'il y ait peut-être pas de village d'arrivée, de départ, que ce soit compliqué, mais on pense que la période l'hiver allait être très dure, et que peut-être que nous en mer on arriverait à voilà en racontant notre course à faire vivre cette course, et le public nous a suivis, et ça c'était génial. Je pense qu'il fallait effectivement que ça parte. Mais j'ai quand même aussi, pardon, juste pour finir, une petite pensée pour tous ceux qui, pour le coup, sont dans la difficulté. J'ai un copain qui a ouvert un restaurant l'année dernière, je peux vous dire que c'est la misère. Et j'ai lu sur Twitter un gars qui répondait à un de mes tweets en disant « Bah, t'es gentil, mais nous, je suis dans le monde du spectacle et nous, tout est fermé, quoi. Vous avez votre course et pas nous. » Et c'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher de me dire que, bah ouais, lui, effectivement, c'était beaucoup moins drôle pour lui. Donc, on a pu faire partir ce Vendée, ça a été une course incroyable, mais on sait que c'est pas simple pour tout le monde. Et on a qu'une envie, c'est que les choses redeviennent normales. Non, mais c'est bien parce que ça donnait du positif quand même à plein de gens qui pouvaient s'accrocher à quelque chose qui n'était pas un peu sombre dans notre actualité. Donc, franchement, ça a été quand même un bol d'air pour beaucoup de gens, je pense. C'est pour ça que j'ai essayé aussi de le transmettre, oui, avec un peu de gaieté, un peu de joie, même dans les moments difficiles, pour amener aussi un peu de bonne humeur. Je pense que c'était important. Je te confirme que ça a été une vraie respiration pour nous à Terre, ce Vendée Globe, cet hiver. Petite parenthèse, on est d'accord, c'est toi qui as récupéré les clés de ton compte Twitter depuis quelques jours. Oui. C'est moi qui faisais les Tiffen qui travaillait avec moi, s'occuper des réseaux pendant le Vendée, mais. Mais c'était toujours voilà, des fois j'envoyais les trucs et puis elle le complétait. Par exemple, je mettais une photo sur Instagram un peu rapidement, puis avec mon antenne, j'avais du mal à charger les hashtags et tout ça. Donc après, c'est elle qui reprenait tout ça. Ouais. Et donc je le disais, c'est un truc de journaliste là, ce qu'on faisait avec Pierre-Yves juste avant, mais je sais que tu fais partie aussi de ceux qui suivaient Romain depuis ton bateau, qui suivaient assidûment tout ce qui se passait ailleurs dans la flotte. Est-ce que toi aussi t'as trouvé de l'intérieur ce Vendée Globe passionnant à suivre plus qu'à vivre? Ouais, carrément. Je suivais les autres, mais oui, je suivais aussi ce qui se passait à terre notamment. Il y a eu aussi pas mal de choses importantes. Donc non, c'était ouais, c'est. Oh, j'ai regardé surtout les sept saisons de Game of Thrones. Donc ça y est, maintenant je fais partie des 99% de la population qui l'ont vu. Je me souviens qu'il y a un an, tu m'avais dit précisément, j'ai jamais vu un épisode de Game of Thrones, je vais les emmener avec moi tous, donc ça y est, là t'es à jour. Ben ouais, mais surtout j'osais pas démarrer la série parce que je me suis dit ça va être hyper addictif, et je vous confirme, hein, c'est hyper addictif. Mais c'était bien de s'évader quand on est en mer. Je pense que c'est sympa d'avoir quelque chose qui change complètement. Je pense qu'on, quand on est en mer, c'est peut-être pas pour regarder des films de mer. Donc moi, je regardais un truc comme ça avec qui parle de dragons et de chevaliers. Je trouve que c'était vachement sympa. Bon, et alors pour finir, Romain, on va en venir à la suite. On va parler de l'avenir, de ton avenir. Comme aux trois ces autres skippers que j'ai reçus ces trois dernières semaines, j'ai trois questions à te poser. De quoi tu as envie à court terme, à moyen terme et à long terme? À court terme, tu m'aurais dit ça il y a 10 jours, je t'aurais encore dit un steak frites, mais là ça y est, là je pense que je suis bien rassasié. D'ailleurs, je me donne encore une semaine, 10 jours, et après j'arrête parce que sinon je vais prendre 10 kilos. À moyen terme, il faut que je re-signe tous mes contrats, que j'achète un nouveau bateau super grâce à mes super sponsors, et ensuite que je parte avec Sam et Ruben un petit peu en vacances, peut-être un petit peu à la montagne. Et puis à long terme, bah pour moi le long terme c'est dans 4 ans refaire le Vendée avec cette fois un foiler. Je sais pas, ce sera peut-être mon dernier, donc là je veux avoir le même bateau que les copains, un avion de chasse. Donc là en tout cas t'es déjà passé en mode recherche active et de validation de tes sponsors et de recherche de bateaux. Ouais, on cherche d'autres sponsors pour compléter un peu le budget, donc je passe le message. Hein, si nous on est un groupe de PME comme vous pouvez le voir, ça, j'ai pas un gros sponsor, donc si. Si certains veulent nous rejoindre, on les accueille avec plaisir. Et puis ouais, le bateau, j'ai déjà quelques idées. J'espère que ça va se concrétiser très rapidement. Je pourrais peut-être vous en dire plus dans quelques jours. Ah, on va suivre ça attentivement. Et juste, puisque ça fait aussi partie des sujets qu'on a beaucoup évoqués sur toute l'année, ton sponsoring avec Best Western, qui est une chaîne hôtelière, mais qui a décidé de s'engager malgré les difficultés de 2020. Est-ce que tu as eu quel retour tu as eu de la part de Best Western et quelle satisfaction ils en ont tiré finalement? Ah bah c'est super. En fait, c'est eux, ils sont, alors pour le coup, ils sont très très touchés, comme vous le savez. Et mes autres sponsors sont eux, c'est eux qui sont le plus touchés. Mais Virginie Barbou, la directrice de la communication, m'a avoué il y a quelques jours, elle m'a dit « mais c'est la plus belle opération que j'ai faite ». Donc elle est super contente. Donc cette année, ils réduisent un petit peu, ils continuent, ils sont toujours avec moi pour la Transat Jacques Vabre, en réduisant un tout petit peu la voilure, parce que bah oui, c'est très dur pour eux. Et ils m'ont confirmé, ils sont en train de me confirmer leur engagement pendant 5 ans. J'espère que ça va aller au bout parce qu'ils ont vraiment envie de le faire, on a vraiment envie de le faire ensemble. Mais bon voilà, c'est très dur pour eux, mais c'est non, ils sont top, hein. Ils sont par leur résilience là, je peux dire qu'ils sont ils ont le cœur sacrément accroché pour se projeter comme ça sur le prochain Vendée, sachant leurs difficultés. Donc j'espère que ça va aller au bout, mais en tout cas ils ont vraiment adoré. J'ai eu plein de messages de plein d'hôteliers, puis mes autres sponsors purs, c'est pareil, et toutes les conseillères, c'est pas simple, hein, c'est pur, c'est 500 conseillères qui vendent des produits ménagers et cosmétiques, donc bah là sont particulièrement c'est particulièrement compliqué pour elles, donc non ils sont tous à bloc, et puis surtout bah ce qu'on disait juste avant, ça a été pour eux un plaisir de suivre cette course, donc j'essaye de voilà, ils ont pas envie de lâcher, hein. Lady Boca, c'est la classe reine, tu vois. On te juge comme tu disais tout à l'heure, et le Vendée Globe a été incroyable, donc j'espère que ça va nous aider pour voilà, pour ces quatre prochaines années. Et donc, Transat Jacques Vabre, dans quelques mois déjà. Et ensuite, Route du Rhum, puis Retransat Jacques Vabre, puis Vendée Globe. Voilà. On est reparti. C'est le succès, ça s'arrête jamais. Hein. Transat Jacques Vabre, tu en parlais, c'est juste entre le steak frites et le moyen terme, on va dire. Tu sais déjà sur. Est-ce que tu le feras avec ton bateau actuel ou avec ton nouveau bateau? Est-ce que tu sais déjà avec qui? Alors, il était prévu que je le fasse avec mon bateau actuel, mais là, c'est en train de s'emballer un petit peu, donc on va voir. Et avec qui? Je pense que je vais le faire avec Seb, parce que j'avais dit à l'arrivée. J'avais dit à l'arrivée que je repartirais avec lui les yeux fermés. Et c'est vrai, donc je lui ai proposé. Il y a quelques jours de repartir avec lui, il m'a dit oui tout de suite. J'en ai parlé, je lui ai dit attends, j'en parle quand même au sponsor avant de te confirmer. J'en ai parlé au sponsor qui m'ont dit ah, super. Donc voilà, on est a priori parti comme ça. Ça va être un sacré défi s'il faut maîtriser un foiler. Ouais, c'est clair. C'est clair, il y a du boulot là. Juste après, il va te demander la couleur du foiler normalement. Bon, en tout cas, on va suivre ça de très près dans les jours qui viennent. Tu nous as promis une annonce presque imminente, donc on va suivre ça de très très près. Je ne sois plus là, j'ai plus de pièces là. <C'est tunnel. rire> Bon, en tout cas, on te souhaite à court, à moyen et à long terme le meilleur pour la suite de tes aventures. Un immense merci à toi d'avoir toujours répondu présent cette dernière année. Merci également à toi, Pierre-Yves, et merci à tous ceux qui ont participé aux différents podcasts, et merci d'avoir accepté cette dernière invitation, messieurs. Merci beaucoup, Alexis. Merci. Ouais, merci à tous. Un petit dernier salut les amis peut-être, Romain. Salut les amis. Ah ouais, c'est vrai. Je pense que c'est devenu ma marque de fabrique. Salut les amis. C'était donc le 16e et dernier épisode du Club VG20. C'était aussi le 80e et dernier podcast de l'ensemble du projet. Toutes les bonnes choses ont une fin, comme vous pouvez l'entendre. Alors ça fait près de 20 heures au total si vous n'avez rien manqué depuis le début, c'est-à-dire déjà ce format club depuis le 15 novembre. Pendant toute la durée de ce Vendée Globe, Cap VG20 ouvre les portes de son club. Avec ce podcast, Cap VG20 vous embarque autour du monde, tous les dimanches, en compagnie de deux invités. Juste avant ça, pendant 3 semaines, on se retrouvait chaque soir pour Le Village. Nous sommes le dimanche 8 novembre, c'est l'épisode 23 du podcast Cap VG20 du Village du Vendée Globe. Bienvenue! En juillet dernier, déjà en quotidienne, pendant 2 semaines, le suivi de la Vendée Arctique. La Vendée Arctique, en ce mois de juillet, c'est la répétition générale avant le départ du Vendée Globe dans 4 mois, pour les 20 skippers qui y participent et pour Cap VG20 aussi. Alors pendant 15 jours, on passe en mode Arctique. Et puis en mars 2020, il y a bientôt un an, ça avait commencé avec le confinement, tous les jours pendant 3 semaines également. Bonjour à tous et merci d'écouter le 22e et dernier épisode de ce podcast. Nous sommes le jeudi 9 avril, pendant un peu plus de 3 semaines, confinés chez moi, je vous ai retrouvé chaque jour pour passer ensemble un coup de fil à un skipper du Vendée Globe. Mais le format central initial, c'était bien le podcast Une Histoire d'œil, une série de 5 rencontres avec 2 skippers du Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est un tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale. C'est une course très réputée, très médiatisée. Mais si tout le monde connaît le Vendée Globe, ce n'est pas seulement parce que c'est la plus grande et la plus difficile des courses de voile, c'est aussi, surtout, parce que le Vendée Globe raconte les plus belles histoires. Des histoires de sport, d'aventure, des histoires de parcours, de projets, des histoires surtout d'hommes et de femmes. Dans ce podcast, j'ai décidé de vous raconter ces belles histoires, de vous proposer chaque mois une rencontre entre 2 skippers et de mettre le cap sur le Vendée Globe 2020. C'était ça, l'origine du projet, imaginé il y a bientôt 2 ans, en avril 2019, qui a évidemment pris une ampleur qui n'était pas tout à fait prévue, mais j'en suis absolument ravi. Sur Twitter, vous êtes plus de 2600 à suivre le compte. Certains abonnés les plus fidèles ont peut-être lu les quasi 5800 tweets qui ont été postés. Alors le compte va rester ouvert, actif encore pendant quelques jours, puisqu'il y a encore Harry Ouzella en mer. Et puisque c'est le tout dernier podcast, il est temps de passer aux remerciements. Merci d'abord, avant tout, à cet événement par parfaitement hors norme qu'est le Vendée Globe, à cette course unique et fascinante, à cette édition 2020-2021 complètement folle, qui a été passionnante à couvrir, à suivre, qui nous a sûrement aussi beaucoup apporté dans cet hiver très particulier. Définitivement, c'est une matière à part, ce Vendée Globe. Donc le premier merci, il est tout simplement pour lui. Et pour ses skippers, bien sûr, parce que si la grande histoire du Vendée est aussi belle, c'est que celle de chaque navigateur ou navigatrice l'est tout autant. Donc merci à vous, mesdames, messieurs, les 33 participants de cette année, d'avoir raconté vos projets, vos aventures, vos parcours, d'avoir été aussi accessibles, d'avoir participé au projet Cap VG20, certains régulièrement. Un merci particulier aux 10 qui avaient accepté il y a un an l'invitation au podcast Une Histoire 2. Samantha Davies et Romain Athanasio, Alexia Barrier et Clarisse Kremer, Manuel Cousin et Alan Roura, Sébastien Simon et Benjamin Dutreux, Stéphane Ledieraison et Damien Seguin. Mais pas seulement eux, je pense aussi à d'autres marins qu'on a suivis de près pendant tous ces mois, Clément Giraud, Maxime Sorel, Louis Burton, Arnaud Boissière, Yannick Bestaven, Kevin Escoffier également, grosse pensée pour lui. Merci aussi aux quelques autres habitués qui ne participaient pas directement au Vendée Globe mais qui étaient toujours très dispo, je pense à Eric Nigon, Antoine Mermot, à Roland Jourdain, à Sébastien Marsay par exemple. Merci à tous ceux qui ont fait ces 80 épisodes de podcast. Et justement, en parlant de ceux qui ont fait ces podcasts, je voudrais aussi adresser un immense remerciement à ceux qui m'ont aidé à les fabriquer. Ils sont deux ingénieurs du son à avoir travaillé sur le projet, sur les prises de son, les montages, les mixages, les habillages. Mais surtout, plus que ça, depuis le début, ils ont été d'une aide précieuse et toujours de bons conseils. Alors un grand merci à Louis Chabin, à Mathieu Viguier et à son agence Qd. Et puis comment ne pas terminer ces remerciements par vous, vous qui écoutez ces tout derniers instants, vous qui avez peut-être découvert Cap VG20 il y a seulement quelques semaines, vous qui suivez le projet depuis le début, vous tous, aussi un très grand merci à vous pour votre fidélité, pour votre soutien, pour tous les messages d'encouragement et de remerciements. C'est évidemment grâce à ça que Cap VG20 a grandi pendant 15 mois. Ça se termine aujourd'hui, forcément c'est un peu triste. Alors non, il n'y aura pas de Cap TJV 21 ou de Cap VG 24, contrairement à ce que certains proposaient. En revanche, on pourra rester en contact si vous le souhaitez. Vous pourrez suivre mon compte Twitter personnel, @AlexisRaison, sur lequel je vais essayer de reprendre une activité normale. Et puis, pour finir, j'ai quelques annonces à vous faire quand même. Si vous êtes amateur de course au large et de podcast, on se retrouvera forcément dans les prochains mois. Déjà parce que j'ai l'honneur d'avoir la responsabilité de l'équipe éditoriale de la prochaine Transat Jacques Vabre, et aussi parce que je lance prochainement avec l'ami François Pinet une marque de podcast de sport, et parmi les tout premiers contenus qu'on vous proposera, il y aura un documentaire audio sur le naufrage et le sauvetage de Kevin Escoffier, une série de plusieurs épisodes dont la diffusion commencera le 31 mai, sur laquelle on travaille déjà, et ce sera un bon moyen de boucler la boucle de ce Vendée Globe, et peut-être même qu'il y aura une autre surprise d'ici là. Voilà, cette fois, il est vraiment temps de couper le micro. Encore merci, et je vous dis à très vite.